Collège de France, les cours sont libres, c'est-à-dire que viennent les écouter les gens qui veulent, n'importe qui. De sorte que, finalement, quel est celui qui est examiné? Quel est celui qui est sous le pouvoir de l'autre? Moi, je dirais qu'au Collège de France, c'est celui qui enseigne. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Pourquoi comprendre l'essence de l'informatique est-il essentiel pour la plupart des activités de demain? Qu'est-ce qui différencie la science informatique des sciences naturelles? S'interroge l'informaticien Gérard Berry. Comment l'hyperpuissance de l'informatique provoque-t-elle de véritables inversions mentales entre façon de faire et entre les générations? Qu'est-ce que la loi de Moore et qu'est-ce que la simulation au fond? Gérard Berry, brillant informaticien polytechnicien qui a longtemps enseigné à l'INRIA, a été titulaire de la chaire Algorithmes, Machines et Langages de 2013 à 2019 au Collège de France. Son riche parcours a été consacré par une médaille d'or du CNRS en 2014. Cette semaine et la semaine prochaine, je vous propose de plonger dans la révolution des sciences de l'informatique en sa compagnie, dans le cadre de la série de cours donnée en 2019 sous le titre « Où va l'informatique ?». Dans le texte qui accompagne cette ultime série au Collège de France, Gérard Berry explique « Mon cours intitulé « Où va l'informatique ?» me permettra de fermer la parenthèse ouverte en 2007-2008, année où j'ai tenu la chaire annuelle d'innovation technologique Liliane Bettencourt avec le cours « Pourquoi et comment le monde devient numérique ?». Comme c'était alors la toute première fois que l'informatique était présentée au Collège de France, j'avais délibérément choisi un enseignement destiné au grand public. J'ai ensuite traité de sujets nettement plus techniques, la modélisation du calcul, le temps en informatique, la vérification de programmes et le langage STL. Fermer la parenthèse ouverte par mon premier cours veut dire pour moi revenir 11 ans après vers un cours destiné à un public large, mais curieux et attentif, de faire un point sur les transformations de ce domaine en plein essor et de tracer les lignes de force probables de son évolution. Le paysage informatique a beaucoup changé depuis 2007, poursuit-il, et il va encore probablement changer encore plus à l'avenir. Le numérique révolutionne le monde. Un point symboliquement important est que même s'il est souvent caché derrière numérique, le mot informatique est enfin accepté comme désignant une discipline scientifique et technique affectant en profondeur quasiment tous les pans des techniques, des sciences, de la médecine et de plus en plus de la société tout entière. Nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 23 janvier 2019 pour le cours de Gérard Berry « Où va l'informatique ?» Aujourd'hui, l'hyperpuissance de l'informatique. Bienvenue à mon dernier cours au Collège de France. Donc, c'est ma dernière année. Et je suis assez content que ça s'arrête et en même temps un peu triste que ça s'arrête, mais c'est comme ça. Mais enfin, ça ne s'est pas encore arrêté. Et ce cours va être sur un sujet qui est « Où va l'informatique ?», un titre un peu bizarre. Surtout que je ne suis pas le genre de personne qui fait des prédictions qui s'avéreront complètement foireuses par la suite, ce qui est quand même assez fréquent. J'en parlerai à ma leçon de clôture. Alors, on va démarrer tout de suite par l'hyperpuissance de l'informatique. Alors ça, c'est le titre d'un livre que j'ai écrit récemment. Donc, qu'est-ce qui se passe en informatique? Eh bien, il se passe qu'il y a un énorme changement mental qui s'est fait. Ce n'est pas un changement technique, c'est un changement mental, ce que je voudrais expliquer. Au 19e siècle sont nées les théories de la matière et de l'énergie, au 18e, 19e, et la première révolution industrielle qui va avec, et donc la fabrication des moteurs et des choses comme ça. Les ondes sont arrivées vers le 1850, enfin avant avec Fourier, mais 1850 avec la radio, beaucoup, le télégraphe d'abord, puis la radio, puis le téléphone, puis la télévision, etc. Les ondes font partie du paysage familier. Mais elles existent aussi nettement dans la matière, avec les vagues, bien sûr, qu'a étudié Fourier. Et donc, c'est toute la pensée scientifique et technique du XXe siècle a été fondée sur ce triangle. Et vers la deuxième moitié du XXe siècle, techniquement c'est avant, avec Turing, Church, etc., sont arrivés deux nouveaux entrants, l'information et l'algorithme, qui vont ensemble. Algorithme, je vous rappelle, ça vient du nom d'Alvar Smith, c'est un mot qui est attesté. Algorithme qui est attesté en français dans les années 1230, donc c'est pas du tout un mot récent, et ça ne s'écrit pas avec un Y, contrairement à des lettres que je reçois qui disent « venez nous faire un séminaire sur les algorithmes avec un Y », et là je réponds toujours « je viens parce que j'ai l'algorithme dans la peau », Et chez les médecins, par exemple, c'est assez fréquent. Normal, ils ont le rythme cardiaque, donc ils ont l'algorithme cardiaque. J'ai même un médecin qui m'a dit « Ah, mais je pensais que c'était la même chose que logarithme. » Ce qui n'est pas totalement faux quand on regarde bien le logarithme. Mais bref. Et alors, ce qui se passe, c'est que ce nouvel entrant a complètement modifié le paysage et que l'informatique et ses algorithmes conduisent vraiment à une nouvelle façon de penser et de faire qui change complètement le monde. C'est-à-dire que le monde du XXIe siècle n'aura pas la même tête que le monde du XXe siècle, bien que, évidemment, toutes les machines physiques dont on parle soient toujours là, hein, et elles seront toujours là, mais il se passe des choses nouvelles en plus des choses anciennes. Il faut se rappeler que l'Europe et la France n'ont pas du tout été des acteurs dans le sujet, sauf sur la recherche, où là, il n'y a pas aucun problème dans la recherche, mais nous avons décidé collectivement en Europe que ce n'était pas un sujet d'avenir. Hein, c'est comme ça, il faut s'y faire. Et d'ailleurs, ça a réussi. Nous n'avons qu'une seule entreprise mondiale dans les 100 premières mondiales. Il n'y a pas d'autre sujet dans lequel ça, c'est vrai. Mais on a aussi la manie de dire « nous avons raté la dernière étape, donc devenons les leaders de la suivante ». J'ai entendu ça strictement à toutes les étapes de l'informatique, et on l'entend toujours en ce moment. Donc les erreurs ne portent pas forcément à redéfinition du paysage. Alors ça conduit surtout à une nouvelle façon de penser et de faire que je voudrais illustrer, c'est ça l'hyperpuissance de l'informatique qui change le monde. Alors outil informatique, il faut bannir de son vocabulaire, c'est ça qui a fait... On a dit, mais l'informatique n'est qu'un outil. J'ai entendu deux choses dans ma vie de façon constante. Un, c'est qu'un outil. Et deux, c'est une mode qui va passer. Hein. Donc, voilà, les deux sont largement faux. Et va avec outil informatique, il suffit de savoir s'en servir. Et là, c'est très simple. Le résultat de cette phrase, c'est qu'on est devenu des esclaves de ce qui est fabriqué aux États-Unis et en Asie, même si on essaye de faire autrement. Bien. Alors, ben, en ce moment, c'est peut-être en train de changer parce qu'il y a une prise de conscience. Alors, d'où vient d'abord cette hyperpuissance? Au début, j'avais écrit le livre « Puissance de l'informatique », mais les éditeurs ont trouvé que c'était pas assez vendeur, donc ils ont rajouté « hyper », et je suis pas contre. Alors, la première, c'est que l'information est universelle. Il n'y a qu'une seule sorte d'information absolument partout. C'est la même en médias, en télécom, en physique, en bio, en neurologie, en histoire, en tout ce qu'on veut. Il n'y a qu'une seule sorte d'information. Il n'y a qu'une seule sorte d'algorithme. Il n'y a pas 14 000 sortes d'algorithmes, il n'y en a qu'une. Et puis, il y a surtout cette machine universelle que nous a apporté Turing, conceptuellement d'abord, et puis des tas d'autres ingénieurs après, cette machine universelle qui sait tout faire. Et toutes les machines universelles sont complètement identiques. Hein. Il n'y a pas de différence entre l'ordinateur qui est dans une machine à laver et celui qui fait la météo, à part la taille, le prix et la puissance de calcul. Mais sinon, ils sont parfaitement capables. Un ordinateur qui fait la météo est tout à fait capable de faire tourner une machine à laver. Ça fait cher, mais c'est comme ça. Donc, il n'y a pas de machine universelle en physique, ça n'existe pas. Il y a des moteurs qui peuvent faire des tas de choses, mais il n'y a pas que le moteur. Il y a énormément de machines en physique, là, il n'y en a qu'une. Donc ça, c'est vraiment très important. Le levier de l'information est hyper efficace. Levier de l'information, c'est bizarre, parce que levier, ça rappelle la matière. Mais tout rappelle la matière dans le vocabulaire. Vous envoyez un courrier électronique, mais c'est par des photons et avec du logiciel. On dit quand même électronique. On fait un vote électronique, ça veut dire un vote logiciel, hein, faut être clair. Donc les mots sont tenaces. Et par exemple, avec votre portable, vous raccrochez votre coup de fil. Ça, c'est remarquable, ça. Alors, le levier d'information est très efficace. Et par exemple, on le voit, tout se modélise de la même façon en informatique. Et puis, posséder l'information, comme on le verra, c'est plus important, très souvent, que de posséder la matière. Et ça, ça va jouer un rôle fondamental dans l'économie de l'informatique. Mais il y a une difficulté mentale majeure, surtout dans les pays qui ont un peu boudé l'informatique, c'est que raisonner sur l'information et les algorithmes, c'est totalement différent de raisonner sur la physique. Et ceux qui ont compris ces raisonnements ont en fait pris le pouvoir assez fortement. Voilà. Alors donc, pourquoi ce cours, qui n'est pas du tout un cours technique cette année, c'est vraiment pour dire que comprendre l'informatique, c'est complètement essentiel, quelles que soient les activités qu'on fera demain. Il n'y a pas grand-chose qui va y échapper. Il y a des choses qui vont y échapper, fort heureusement. La première chose que je voudrais montrer, je l'ai déjà montré dans divers cours en morceaux, mais je voudrais tout rappeler d'un coup, c'est que l'informatique est tellement puissante qu'elle provoque des changements, des inversions totales de la pensée, des changements mentaux très importants et qui sont bien visibles entre les générations. Alors, je reprends ceux que j'avais cités dans mon premier cours en 2007-2008, qui s'appelait « Pourquoi et comment le monde devient numérique ?». En fait, je suis en train de fermer la parenthèse de ce premier cours et avec des cours techniques qu'il y a eu entre-temps. Alors, une inversion mentale, c'est quoi? Ben, c'est penser à l'envers d'avant. Et le problème, c'est que le monde est dessiné par les adultes et les enfants pensent à l'envers des adultes sur beaucoup de choses. Hein. Et il ne faut pas oublier que c'est les enfants qui finissent par avoir raison. C'est une chose qu'on oublie assez souvent, malheureusement. Le téléphone portable, donc, moi je dis toujours, avant, j'avais un certain nombre de copines avec qui j'aimais bien faire des choses, la montagne par exemple, et quand je leur téléphonais, là, et comme elles étaient aussi baladeuses que moi, la seule chose que je savais, c'est qu'elles n'étaient pas chez elles. C'était la seule information que j'avais, c'est pas beaucoup comme information, et maintenant, la seule information que je demande, c'était où. Donc ça, c'est une très grande inversion, j'avais montré un dessin de Sampé sublime, où il y a des gens dans la rue qui passent avec un téléphone sur l'oreille, et ça c'est sur le quai de la Mégisserie où il y a les oiseleurs, et il y a un perroquet qui répète « Allô, t'es où, allô, t'es où », etc., et qui traduit bien ce qui se passe en ce moment. J'avais cité le petit-fils d'un ami de 4 ans en rentrant chez son grand-père et voyant un téléphone avec un fil qui va dans le mur et lui demandant « Pourquoi t'as mis un antivol ?» qui reste quand même une perle. Celle-là est très très belle, elle est plus récente que le premier cours, donc vous ne l'avez peut-être pas encore vue. Une petite fille de 10 ans, à Sofia, qui a demandé à sa mère « Maman, tu m'as dit que quand tu étais petite, tu n'avais pas d'ordinateur, alors comment est-ce que tu faisais pour aller sur Internet ?» C'est quand même une vraie merveille de sincérité et qui montre qu'il y a des choses qui changent. Et puis, un enfant d'un autre chercheur de Sofia qui me dit « Papa, le voisin a un ordinateur incroyable, tu appuies sur les touches et il imprime tout de suite. » Et donc, il venait de voir sa première machine à écrire. Et ça, c'était exactement au moment où la dernière machine à écrire au monde a été fabriquée. Ce qui est très intéressant. Vous voyez, le monde à l'envers, c'est assez clair. Alors, pourquoi est-ce que ça se passe? C'est que pour les enfants, l'ordinateur, le smartphone, Internet, c'est juste des parties de la nature. Et la nature s'est formée de la montagne, de la mer, du chat, du vélo et puis de l'informatique. Ils ne savaient pas que ça n'existait pas. D'ailleurs, c'est très compliqué d'expliquer à un enfant un peu jeune des choses qui n'existaient pas avant. Un petit neveu de ma femme a demandé par exemple à sa mère, « Maman, quand tu étais petite, ça existait la fourchette ?» Ce qui est assez intéressant. Alors, mais pour les adultes aussi, il y a ces inversions qui deviennent très fortes et qui laissent les gens un peu paralysés des fois. Par exemple, moi je suis photographe, hein, la photographie, au XXe siècle, il fallait amener la pellicule au labo quand on avait la flemme de la développer soi-même, puis le lendemain, on mettait les tirages dans une lettre. Alors maintenant, c'est plus du tout comme ça, aussitôt pris, aussitôt fait, aussitôt arrivé. Facebook reçoit maintenant 2 milliards de photos par jour. Ce qui est beaucoup plus que ce qu'on faisait en un an sur la Terre il n'y a pas longtemps. Alors l'informatique, nous avons coutume de dire qu'elle repose sur 4 piliers. Moi, je préfère dire 5, parce que j'aime bien nous mettre dans le système. Les données numérisées, bon, tout le monde sait ce que c'est maintenant. Les algorithmes, qui sont des procédés intellectuels de calcul, qui s'écrivent en mathématiques souvent, pas toujours hélas. Les programmes, qui sont, eux, des trucs très détaillés pour faire marcher les machines, les ordinateurs, qui ont des langages internes complètement stupides, mais vraiment idiots, et maintenant qu'ils font même plus ce qu'on pense qu'ils font. Et donc, les programmes, c'est très différent des algorithmes, au sens où un programme, il faut que ça tourne sur une machine, et il y a une très grande distance entre algorithme abstrait et programme concret. Alors ça, vous le voyez pas dans les journaux. Je prends l'exemple de Parcoursup, dont on reparle en ce moment. On vient de sortir un rapport sur Parcoursup. Le ministère a lancé l'idée de prouver que les programmes qui sont effectivement écrits, qui sont des programmes Java disponibles, dont le source est disponible, sont conformes aux algorithmes qui sont... Mais la plupart des gens pensent qu'il n'y a pas de différence entre les deux. Il y en a beaucoup. Il y a Java, par exemple, mais il y a beaucoup d'autres. Voilà. Et puis les machines. Alors évidemment, les algorithmes sont partout, c'est-à-dire que les machines ne peuvent plus du tout se faire par des hommes, il faut les algorithmes pour faire les machines, on verra ça tout à l'heure. Donc, je l'ai toujours dit, l'informatique adore se bootstrapper, c'est-à-dire se construire à partir d'elle-même, et elle a su le faire, ça c'est aussi quelque chose qui est plus dur en physique, quoique la physique le fasse un peu, mais plus lentement. Alors, il ne faut pas oublier, nous, et les interfaces, et surtout les interactions aux machines. Interface aux machines n'est pas un mot suffisant, c'est interaction. Les interfaces, ça sert à faire des interactions. Et puis les objets, dont on va voir qu'ils sont beaucoup plus fréquents maintenant que les hommes en informatique. Il y a déjà beaucoup plus d'objets sur Internet que d'hommes, et il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'objets que d'hommes sur Internet, mais vous allez voir, c'est pas tout à fait prêt de marcher encore. Alors, ce qui rend l'informatique très différente des autres sciences, c'est que c'est une science de construction, c'est pas une science naturelle. Les biologistes ont énormément de travail, c'est une grande chance, mais ils ont rien choisi dans leur travail. C'est pas eux qui ont conçu l'ADN, c'est pas eux qui ont conçu la cellule, c'est pas eux qui ont conçu les êtres vivants, ils y sont pour rien encore. Ils essayent, Craig Venter a fait des choses extraordinaires, mais bon, par rapport à la nature, c'est quand même des débutants intégraux. C'est pas eux qui ont conçu tout ça, et en biologie, découvrir la moindre chose demande un travail considérable. En informatique, c'est pas le cas. C'est comme du Lego, on construit tout. Et comme les gamins, on assemble nos affaires et on construit des choses extraordinaires. Je rappelle toujours que le premier moteur de recherche a été construit en 2 mois et demi. Premier grand moteur de recherche. Après, ça est devenu un peu plus compliqué. Mais quand même. Donc, c'est une science de construction. Et ça, ça va être très important. La limite de l'informatique, ça reste nos têtes. Alors que la limite de la biologie, c'est quand même la nature, pour l'instant. La physique aussi. Alors, je vais d'abord me consacrer à l'informatique d'avant, de 2007, jusqu'à une date tout à fait récente, dans laquelle les données étaient finalement pas le point central, sauf évidemment pour les bases de données qu'avait enseigné Abit Boul, enfin le traitement de données sur la chaire informatique et sciences numériques. Mais je vais me concentrer beaucoup sur la partie que je connais le mieux, qui est algorithme, machine, programme. Programme, ça veut dire langage aussi, hein, parce que les programmes s'écrivent dans des langages. Alors, je parlerai pas tellement des aspects évolution scientifique, parce que beaucoup d'autres gens en ont parlé mieux que moi, et que Xavier Leroy en parle beaucoup mieux que moi sur les langages, etc. Enfin, c'est pas les mêmes langages, alors il en parle parfaitement, je dirais. Les données deviennent massives et partielles, j'y reviendrai. Les algorithmes deviennent largement probabilistes, parce qu'ils travaillent sur des très grandes données, et les algorithmes probabilistes sont merveilleux, ils font pas grand-chose, et ils trouvent des tas de choses en faisant pas grand-chose, pour des raisons qui sont pas simples. Donc le cours de Claire Mathieu l'année dernière était tout à fait merveilleux pour ça. Ils deviennent répartis, et vous avez le cours de Rachid Virawi qui vous montre que non, c'est pas simple, mais c'est très très intéressant. Les langages de programmation, ben, il y a maintenant deux camps assez distincts. Il y a toujours eu, mais maintenant ils sont vraiment assez distincts. Il y a le camp des langages typés, le camp auquel appartient Xavier Leroy et moi-même, si on veut, des langages typés, de la puissance d'expression, des fondements mathématiques, de la rigueur, de la détection au maximum des bugs, au maximum la compilation, et avec un investissement intellectuel qui est quand même assez sérieux, c'est pour ça que les Français aiment bien aussi. Les Français ont toujours bien aimé l'investissement intellectuel, pour une raison que je ne sais pas analyser. Puis vous avez l'inverse, vous avez les langages dynamiques, très souples, comme Python, qui prend énormément d'importance, qui est pas mal foutu, JavaScript, qui est un peu bizarre, pour tout dire, mais enfin, qui domine le web, et qui est peut-être le langage le plus utilisé à l'heure actuelle, avec une rigueur, disons, qui passe un peu au second plan, des fois, et puis des bugs trouvés au dernier moment, c'est-à-dire pour faire échouer un programme JavaScript ou Python, le problème de JavaScript, par exemple, sa définition, c'est « the show must go on ». Quoi qu'il se passe, faut que ça continue. Donc, quand on tombe sur un objet indéfini, on s'arrête. Et donc, ça faut pas s'étonner que de temps en temps, les sites web soient un peu farceurs. Bon, alors, j'insisterai pas là-dessus, parce qu'on a déjà beaucoup parlé dans ce cours. Et puis, les machines, je vais pas mal en parler, parce que j'en ai peu parlé dans ce cours. Et la question, c'est, est-ce qu'on va changer de techno ou pas? C'est une question qui est très intéressante et aussi souvent assez mal débattue. Alors, il se trouve que, je vous donne l'information, aujourd'hui même, en ce moment, il y a une émission sur la loi de Moore à France Culture, dans la méthode scientifique de Nicolas Martin, et ils m'ont proposé d'y aller, mais j'ai dit qu'il y avait des gens plus compétents, qu'en plus j'étais là. Mais écoutez-la, c'est en podcast. Je reparlerai des podcasts tout à l'heure. Mais surtout, moi, je pense que le plus important en informatique, c'est ça. Personnellement, je pense ça. En couplant informatique et physique, on peut faire des tas de choses complètement inaccessibles aux méthodes classiques. Et c'est ça qui se passe. C'est ça la chose la plus importante maintenant qui se passe. Alors, exemple, j'avais cité ça en 2007, mais c'est devenu assez fantastique, la photographie. La photo numérique, bon, ça, c'est une photo argentique grand angle. Ça ressemblait à ça. J'ai montré en 2007 qu'on savait déjà parfaitement. Donc, là, on avait fini en argentique, en gros. Hein. En numérique, c'est juste là que ça commence, et que les algorithmes vont permettre tout de suite de défaire l'ensemble des destructions des objectifs. Ce qui fait que maintenant, il y a une inversion mentale très importante en photographie, c'est qu'on choisit les objectifs en fonction des algorithmes, on fait le design des objectifs en fonction des algorithmes, au lieu de faire l'inverse. Et par exemple, la chose qui pénalise beaucoup les appareils photo haut de gamme, c'est le miroir. Et le miroir va disparaître petit à petit. Il y aura des nostalgiques du miroir comme du vinyle, c'est pas grave. Ils ont tout à fait raison d'avoir leur vie. Mais le miroir empêche énormément de choses dans un appareil photo. Alors ça, j'en ai parlé énormément à Lille l'année dernière. Il y a un cours spécial sur la photographie qui est sur le web. J'en reparlerai pas beaucoup. Mais sinon, pour dire que pour un clic de plus... la physique, tout ça, on sait pas très bien le faire en physique. Et pour un clic de plus, vous redressez les perspectives. Ça, c'est gratuit. En physique, on peut le faire aussi, mais c'est très très compliqué parce qu'on a des problèmes de profondeur de champ quand on couche l'agrandissant, etc., alors qu'en algorithme, on n'a absolument aucun problème pour faire ça. Voilà, bon, j'insiste pas parce que j'en ai déjà énormément parlé. Par contre, ce qui est plus important et qui change la vie complètement, c'est qu'avant, une photo, c'était fait à partir d'une image et maintenant, c'est fait à partir de beaucoup d'images. Et donc ici, vous avez une macro d'une mouche. Et vous voyez, ici, on voit la tête est nette. Ici, on voit la queue qui est nette. Mais on ne peut pas avoir les deux en même temps. C'est juste les propriétés de l'optique. Et celle-là, on ne peut pas encore les changer. Ça dépend quand même de la focale. Mais avec les vrais appareils un peu sérieux, on ne peut pas. Et ce qu'on peut faire, par contre, c'est prendre toute une série de photos en décalant la mise au point. Ça, c'est fait par tous les appareils modernes. Vous n'avez qu'à demander. Vous n'avez rien à régler. Vous faites schlouk, ça fait ça. Et ce qui ressort, c'est ça, c'est-à-dire tout net. Donc, il y a longtemps qu'il faut oublier qu'une image est prise à partir d'une image et un téléphone. Pourquoi est-ce qu'un téléphone prend de très bonnes images alors que c'est physiquement impossible vu son capteur? Eh bien, c'est parce que ces algorithmes sont extrêmement malins. Et maintenant, il y a même beaucoup d'algorithmes d'apprentissage automatique pour faire que la lumière soit plaisante pour les yeux, qui est un très ancien problème, et qui sont en train de pulvériser les algorithmes déterministes qu'on connaissait. Donc voilà, ça c'est typiquement des choses, il faut oublier la physique. Non, il ne faut pas l'oublier. Il faut faire les deux en même temps. Hein, et c'était un peu compliqué pour les fabricants d'appareils photo d'arriver à maîtriser ça. Mais bon, maintenant ils savent le faire. De plus en plus. Évidemment, c'est beaucoup plus intéressant en médecine, où avant on avait des images de modalités différentes, un scan, une IRM fonctionnelle, une IRM de diffusion. Et puis, il fallait regarder tout ça indépendamment. Et par exemple, mesurer un volume de tumeur à travers une catégorie d'images qui se suivent, les médecins le faisaient, mais c'était un boulot infernal, alors que maintenant, on fabrique de la 3D et le volume est calculé automatiquement avec une précision raisonnable, si tant est que la notion de volume du tumeur est une notion raisonnable, soit une notion raisonnable, ce qui n'est pas clair. Mais vous voyez, il faut lire le bouquin de Le Bihan, Le cerveau de cristal, qui est absolument remarquable, et qui parle vraiment de la naissance de tout ça. Et en fait, quand vous allez dans une IRM, vous pensez que l'image sort de l'IRM, mais c'est pas du tout vrai. L'image sort de la machine physique et de tout un tas d'algorithmes dans l'IRM, qui sont des algorithmes très subtils, parce que les données qui sont fabriquées par la physique sont bruitées, compliquées, qu'il faut faire des calculs extrêmement savants. Et le prix des logiciels dans une IRM est pas loin d'atteindre la moitié maintenant, hein, alors que le reste, c'est juste de l'hélium liquide, des trucs de physique pas possibles. Voilà. Alors, les sciences, eh ben, on peut rentrer dans par l'IRM, mais les sciences se font informatiser à très grande allure. Ce qui fait un gros problème pour les scientifiques, parce qu'à peu près aucun scientifique n'a été formé à l'informatique. Et donc, c'est une grande difficulté. Par exemple, j'ai une copine astronome qui me dit, ben, nous, on sait très facilement embaucher des astronomes, mais le problème, c'est qu'on en voudrait qu'ils sachent très très bien programmer et comprendre les algorithmes. Et ça, on a beaucoup de mal à en trouver. Alors, vous avez les IRM, vous avez les séquenceurs d'ADN, qui sont aussi un mélange de biologie. Il n'y a plus de biologie, là. Il y a beaucoup de biologie et des trucs marrants. Mais c'est fait avec des chips électroniques aussi. Et puis, après, vous allez appairer des ARN. Vous allez voir tout à l'heure qu'il faut se méfier de ça. Mais vous allez faire des tas de choses, des calculs algorithmiques très puissants. Les labos, tous les labos mondiaux, y compris Pasteur, par exemple, s'équipent maintenant en, non pas en centre de calcul, mais en centre de recherche. Ce qui est extrêmement différent. Avant, on disait, les informaticiens, c'est pour les centres de calcul. Maintenant, c'est plus vrai, c'est complètement intégré. Les robots martiens, tout le monde parle de la mécanique des robots ou des images, mais personne ne dit qu'au niveau informatique, c'est absolument prodigieux. D'ailleurs, j'ai raconté les bugs du frère jumeau de Curiosity, Spirit, qui a failli mourir à cause d'un bug extraordinaire que vous trouverez dans mes cours. Les télescopes, c'est pareil. Ces 5 télescopes, 4 pour l'instant, pardon, fabriquent une image, mais cette image, elle résulte de fusion algorithmique de données extrêmement complexes, extrêmement lourdes. Et sur chaque interféromètre qui se fabrique en ce moment, il faut un supercalculateur très gros, rien que pour être capable de sortir une image. Donc voilà, alors j'ai déjà parlé de ça. La modélisation et la simulation, c'est aussi quelque chose qui est une inversion mentale. Vous allez voir pourquoi. Ça, c'est la simulation d'Ariane 5. Je l'ai déjà montré. Ariane 5, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe dans les gaz. Il faut comprendre les turbulences, il faut comprendre les températures. Et c'est pas très facile de suivre Ariane 5 avec des thermomètres pendant qu'elle est en train de voler. Donc, on ne peut le faire qu'en simulation. Et c'est vraiment très intéressant. Pareil, faire exploser, j'avais déjà montré aussi, faire exploser une supernova en labo. Les astronomes n'ont pas les budgets, hein. Pourtant ils ont des budgets, mais faire exploser une étoile sur la Terre, on est très heureux qu'ils aient pas les budgets. L'année prochaine, vous allez voir, c'est un scoop. L'année prochaine, c'est Walter Fontana qui prendra la chaire informatique et sciences numériques faite avec l'INRIA, et il parlera de biologie computationnelle. Donc vous allez voir la biologie et l'informatique, comment on peut intégrer sur la compréhension de la vie. Là, c'est des repliements de protéines, et on voit des choses auxquelles l'étude des repliements de protéines, qui est un truc très, très fondamental, c'est la façon dont les protéines se replient qui donne la vie et aussi les maladies. Et vous voyez, ici, on fait des niveaux d'abstraction différents, c'est-à-dire il y a des choses qui sont faites, qui sont représentées. Ici, par exemple, ces cycles carbone, on s'en fout, ils sont pas importants, donc on les représente à peine. Par contre, ici, on souligne les points importants en ce moment, etc. Donc, on va utiliser de la réalité virtuelle pour simuler des protéines en biologie et pour préparer des opérations. C'est pareil, j'avais montré ça aussi, tétralogie de Fallot, on sent bien qu'il faut faire quelque chose. Et je rappelle que la chirurgie partage avec l'informatique que c'est l'art du couper-coller aussi. Et donc, il faut couper là et faire. Mais où est-ce qu'on coupe? Eh bien, on peut maintenant, ça c'est ancien déjà, on fait beaucoup d'autres choses maintenant, on peut simuler l'effet de la coupe et prévoir avant, enfin, plus ou moins, hein, c'est toujours dangereux de dire qu'on peut prévoir avant où faut couper pour avoir le meilleur rendement d'opération. Alors que c'est pas une opération qu'on peut faire deux fois. Donc, c'est en simulation, on peut la faire beaucoup de fois. Donc c'est très important. J'avais montré aussi dans mon colloque de 2016, qui s'appelait « Sciences et arts, de nouveaux domaines pour l'informatique », j'avais invité Clément Nartaud, spécialiste des dunes de sable, à l'Institut de physique du globe de Paris, qui nous a montré que des simulations tout à fait extraordinaires des dunes de sable qui ne sont pas du tout faites en simulant des équations. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout des moyens mathématiques traditionnels, ce sont des automates cellulaires qui sont dus à von Neumann, qui était aussi un mathématicien traditionnel, bien sûr, et dans lesquels on peut faire des choses qui sont très dures à faire en physique. Par exemple, on veut regarder si, en suivant qu'on met l'état de sable initiaux avant qu'on mette le vent, on les met dans l'axe ou de côté, on voit ici que ça va donner des résultats tout à fait différents. Dans un cas, les dunes se mélangent, et dans l'autre cas, elles ne se mélangent pas du tout, quasiment, sauf en fait dans la seconde. Et ça, ben, on ne peut pas faire cette expérience sur la Terre, mais on peut la valider sur la Terre. Donc la simulation sert à énormément de choses, et de plus en plus. Alors pourquoi c'est une inversion mentale? Ben parce que la simulation, ça consiste à remplacer la matière et l'énergie par la seule information. Dans une simulation, il n'y a que de l'information, il n'y a rien d'autre. Et vous remplacez les lois de leur nature par des algorithmes. C'est simple pour certaines, comme par exemple la gravité, on sait faire ça depuis longtemps. Pour d'autres, comme les automates cellulaires des dunes de sable, c'est pas si simple, ou en biologie, c'est pas si simple. Alors, qu'est-ce qui se passe aussi? Là où c'est génial, c'est qu'on peut jouer avec le temps, ce qui est très difficile à faire en physique. Ça se fait. Il y a, par exemple, Yves Coudert qui fait des expériences extraordinaires, complètement bluffantes en mécanique. Il fait de la mécanique quantique macroscopique, mais il n'y a pas beaucoup de Yves Coudert. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent faire ça en informatique. Donc, on peut simuler rapidement des phénomènes lents. François Combe vous montre des collisions de galaxies. Ça... Les astronomes, ils sont impatients. Hein. Ils n'attendent pas que les galaxies soient rentrées dedans, parce que ça prend quand même éventuellement quelques centaines de millions d'années. Donc, c'est pas terrible. On peut simuler lentement des phénomènes rapides. Les repliements de protéines, ça se compte en micro ou millisecondes. Et on peut les faire doucement pour regarder ce qui se passe. Ou on peut simuler en temps réel, par exemple, pour piloter un avion ou des choses comme ça. Hein. Et donc, on peut complètement changer la donne en s'abstrayant des lois normales de la physique. Mais attention, hein, c'est pas tout à fait si simple que ça. Il faut évidemment quand même de la matière et de l'énergie. Ceux qui construisent les ordinateurs. Mais c'est là que l'universalité intervient. Quel que soit le phénomène simulé, c'est les mêmes ordinateurs. Il n'y a pas besoin de changer d'ordinateur. Un ordinateur, vous achetez un ordinateur, il peut simuler tout ce que vous voulez. Alors, il y a des choses qui sont plus chères ou pas, mais c'est comme ça. Sans rapport avec le phénomène, il y a un découplage total entre l'information et la matière et l'énergie. Et il y a peut-être des petits problèmes quand même, c'est qu'il faut se méfier des simulations. Hein. Les Américains ont une phrase extrêmement claire, ils disent « You don't find oil by drilling the map ». Vous ne trouvez pas du pétrole en forant la carte. Et ça, il ne faut jamais l'oublier, c'est très, très pragmatique comme phrase, mais c'est une phrase importante. Hein. Ce n'est pas parce que votre simulation dit des trucs que la physique est d'accord avec. Bon, puis il y a des limites à la simulation. Si vous étudiez la simulation du système solaire, vous voyez que vous ne pouvez pas dépasser une soixantaine de millions d'années, parce qu'après, il y a les phénomènes de chaos qui l'emportent. Le Collège de France et France Culture vous présente l'informaticien Gérard Berry, sa série « Où va l'informatique ?» Aujourd'hui, l'hyperpuissance de l'informatique. Maintenant, l'infrastructure matérielle, c'est évidemment fondamental en informatique. Alors, l'infrastructure matérielle, c'est quoi? Eh ben, c'est la loi de Moore qui a été dominante. Alors, la loi de Moore a toujours été présentée d'une manière très bizarre, alors qu'elle est simple. Alors, j'ai entendu beaucoup, la puissance des ordinateurs double tous les 18 mois. Ou tous les 2 ans, ça dépend. Bon, tous les 18 mois. Qu'était la version originale de Moore, il n'a jamais parlé de puissance des ordinateurs. Alors, la puissance des ordinateurs, c'est une notion qu'un informaticien ne sait pas définir. Hein. C'est une notion un peu vague, surtout maintenant. C'est de plus en plus vague comme notion. Bon, mais en fait, ce n'est pas ça, la loi de Moore. C'est beaucoup plus simple, c'est une décision industrielle concertée. Ce n'est pas une loi. Le mot loi est un peu trompeur, parce qu'on pense à la loi de la gravitation, mais pas du tout. C'est une décision de l'industrie d'arriver à faire ça. Le nombre de composants électroniques, essentiellement de transistors, en fait, c'est des traits, mais ça ne change rien, par unité de surface, double tous les 2 ans. C'est ça la loi de Moore, originale et réelle, et donc toute l'industrie s'organise pour faire ça. Ce qui n'est pas simple. On est parti de, je sais pas, 10 microns, quelque chose comme ça, et maintenant, vous allez voir, on a gagné les facteurs 1000, et il a fallu des prodiges d'invention en physique, en fabrication, en robots, parce que vous allez voir la taille des objets qu'on fabrique maintenant. Non, la taille, c'est toujours 1 cm² max, hein. Peut-être un peu plus pour les GPU, mais en gros, c'est entre quelques millimètres carrés et 1 cm². Donc la taille n'a pas changé, mais le nombre d'objets dedans a changé de façon énorme. Ben, alors, doubler tous les 2 ans, c'est une exponentielle. Il y en a d'autres, hein. Les séquenceurs en physique, ça va plus vite que ça. Et ça va être freiné par le fait qu'on n'a pas assez de disques pour mettre les données de séquençage, bien qu'on fabrique beaucoup de disques. Donc les biologistes sont embêtés avec ça, mais comme ils ne savent pas trop quoi faire avec, même s'ils stockent tout, ce n'est pas si grave. Voilà. Alors, cette loi a été préservée jusqu'à maintenant, de façon très claire. Et voilà, jusqu'en 2016, vous voyez, donc c'est une échelle log. Et dans l'échelle log, vous voyez, on est passé des 2400 transistors de l'Intel 4004 en 1971 au, ici, on est à 10 milliards de transistors. Maintenant, on est plutôt vers les 30 sur les GPU. Donc, c'est cette taille-là. Hein, bah oui, l'exponentielle, c'est efficace. Hein. Donc, on a maintenant... Et la taille n'a pas changé. Hein, c'est à peu près les mêmes tailles. Mais vous comprenez bien, ce sont des procédés photographiques et lithographiques de gravure. Et mettre 30 milliards de transistors sur 1 cm², ça ne doit pas être fastoche pour les physiciens. Mais ils y sont arrivés. Et la technologie n'a fondamentalement jamais changé. Et c'est marrant parce qu'il y a des ennuis de transmission interligne qui sont arrivés ici et qui ont disparu quand ça s'est réintégré. Il faudrait plusieurs cours pour comprendre ce système. Mais ce qui est important, c'est ça. On est passé de presque rien à énormément et à coût décroissant. C'est-à-dire qu'un circuit moderne, c'est moins cher qu'un circuit ancien. Ça se voit dans les prix des ordinateurs, hein, par exemple. Alors, il y a un truc qui n'a plus été vrai, à partir des années à peu près 2004, c'est la vitesse, la fréquence d'horloge. Fréquence d'horloge, c'est en gros le rythme auquel on exécute des instructions. Et bien là, elle a commencé à faire un plateau. Et maintenant, on est passé très rapidement de 10 MHz en 85 sur le Motorola. On est passé très rapidement à 1 GHz. 1 GHz, c'est à peu près 95. Et puis après, on est monté assez vite à 2,5-3 GHz. En 2009, j'ai une machine qui fait 3,4 GHz. Et en 2019, j'ai une machine qui fait 3,2 GHz. Alors, où est-ce qu'on a gagné par ailleurs? C'est qu'avant, on n'avait qu'un processeur dans la machine. Et maintenant, vous allez voir, les circuits, ce n'est plus du tout les mêmes. Et vous avez, mettons, 40 processeurs dans une machine, dans un circuit de façon assez classique maintenant. Et là, je n'ai que 4 processeurs et 8 threads de calcul, ce qui montre qu'un ordinateur, ça reste assez petit, mais dans les serveurs, vous avez bien plus que ça. Alors, il y a la loi de Gordon Moore, je le dis, c'est cette décision industrielle. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a toujours été accompagnée d'une loi complémentaire qui n'a pas de nom, mais qui dit le nombre de commentateurs bien informés prédisant la fin proche de la loi de Moore par atteinte des limites de la physique double tous les 2 ans. Et j'ai entendu toute ma carrière, y compris des copains compétents, hein, donc moi je les croyais, j'avais pas de raison de pas les croire, dire c'est sûr, ils, alors ils, on sait jamais trop qui c'est, ils, mais c'est un mot français très important, ils font pas leur boulot, etc. Ils toucheront la limite à 50 nanomètres, 20 nanomètres, 15 nanomètres, 10 nanomètres. Et ben non, la réponse est non. Actuellement, on est en production à 7, 10, surtout pour les téléphones. C'est les téléphones qui sont les plus petits, c'est parce que c'est les plus importants à l'heure actuelle. À 7, 10, et en construction, les 5, 3 nanomètres. Et en fait, on peut construire aussi en labo, des transistors à un atome. Parce qu'on dit, mais on va bientôt avoir les limites des atomes. Oui, mais on a bon, on sait faire des transistors à un atome. Et on saura probablement faire des machins à moins de un atome. Les physiciens quantiques, etc. On dit, mais on va, les machines vont devenir quantiques. Ah ben ça, elle l'était dès le premier jour. Même les petits pôles de radio, ça s'appelle un transistor. Et vous regardez ce que c'est qu'un transistor. Si ça, c'est pas un objet quantique, hein. Là, il y a un petit laser, ça, c'est un objet quantique aussi. Donc, le transistor est un objet, on ne peut plus quantique. Et la vieille lampe diode, ou triode aussi, d'ailleurs. Donc, bon. Mais bon, ça devient de plus en plus compliqué, ça, c'est clair. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est vraiment difficile. Les gros problèmes arrivent maintenant. Donc, la loi de Moore va avoir des problèmes. Mais ce qui est intéressant, c'est que la loi de Moore a permis de transporter ce qui apparemment se faisait sur une carte ou sur plusieurs cartes, même sur des paquets de cartes. Je me rappelle très bien du Multix qu'on avait à l'INRIA, dont le mégaoctet faisait une tonne. Maintenant, un mégaoctet, vous ne pouvez pas trouver, ça n'existe plus. Il y a longtemps que ça n'existe plus. Le mégaoctet, c'était une tonne. Donc, tout ça, ça a été transporté sur un tout petit morceau de silicium. Donc ça, c'est absolument fondamental. C'est ce qu'on appelle un système on-chip. Et aussi, avant, les circuits, ça se dessinait. Maintenant, ce n'est plus du tout ça. Ça s'assemble. Et ce qu'on assemble a un nom rigolo. On n'appelle pas ça un circuit, on appelle ça une IP. C'est le mot standard. Ça veut dire quoi, IP? Intellectual Property. Ça veut dire construire des circuits, par exemple chez ST Microelectronics, qui est très fort à ça, construire des circuits, c'est assembler des propriétés intellectuelles. Ça veut dire quoi? C'est vous acheter chez ARM les plans du circuit. C'est comme dans Tintin, quand Tournesol avait ses plans, dans sa, c'est la même chose. Vous avez, ARM ne fabrique jamais de circuits, il vous vend les plans. Il vous vend le code, même plus précisément, le programme Verilog qui va fabriquer le circuit dans une techno donnée. Et je dirais même que les ingénieurs qui font un circuit n'ont même plus le droit de savoir dans quelle technologie il va être appliqué. Parce que ça va changer de technologie éventuellement plusieurs fois. Donc, c'est encore plus intellectuel que le logiciel. D'ailleurs, c'est uniquement du logiciel, la fabrication des circuits, la conception des circuits. Moi, j'ai beaucoup travaillé là-dedans, on en a parlé dans le cours STRL. Alors, quels sont les avantages? Ils sont très nombreux. La taille, la consommation. Pourquoi la taille? Ben, c'est évident, la consommation, pourquoi? Parce que dès qu'on sort du chip, il faut des voltages très importants. Il faut beaucoup d'énergie. Tant qu'on est dans le chip, eh ben, d'abord, on est tout près, donc on est limité par la vitesse de la lumière. Ça, on n'y peut rien. Et dès qu'on est à l'intérieur du chip, ben, on consomme beaucoup moins. C'est vraiment important. Et la consommation, c'est limitant. C'est simple, vous regardez l'état de votre pile dans votre téléphone, vous comprenez vite. La vitesse de développement, c'est que pour faire un circuit à 9 milliards de transistors, comme vous allez voir, ou à 20 milliards de transistors, il ne faut pas les dessiner un par un. Ça, c'est hors de question. La fabrication, fabrication est très compliquée, mais vous en fabriquez énormément de circuits. Les téléphones, ça tire en milliards, les téléphones. Vous allez voir, il y en a beaucoup plus qu'un par habitant sur la Terre. Donc, c'est un objet qui tire énormément. Le prix, parce que ça augmente pas vraiment de prix. Le circuit, c'est comme les immeubles, c'est à peu près au centimètre carré, le prix. Surtout avec le volume, mais ça a des conséquences économiques vraiment très importantes qu'on va voir. Donc, les machines universelles sont d'une très grande variété, toutes fabriquées avec des circuits, il n'y a pas de mystère là-dessus. Donc, vous avez des fermes de données. Alors, j'ai appris au CEA que la définition d'un supercalculateur, c'est que c'est ce qu'on peut acheter quand on a 20 mégawatts de puissance électrique. C'est comme ça qu'on définit un superordinateur. Ça, c'est valable quels que soient les instants. Parce que 20 mégawatts, on sait faire ça avec les fournisseurs d'électricité. Plus de 20 mégawatts, c'est beaucoup plus compliqué. 20 mégawatts, c'est quand même beaucoup. Et donc, c'est ce qu'on peut acheter pour 20 mégawatts. Donc, suivant les années, c'est de plus en plus puissant. Vous avez les mêmes en conteneurs stackables, c'est-à-dire vous avez des conteneurs avec dedans plein d'ordinateurs que vous pouvez poser les uns sur les autres et les refroidissements sont boîtes. Enfin, c'est quelque chose d'assez étonnant. Alors, le smartphone est vraiment la chose qui domine en ce moment. Et Philippe Gay-Luc, comme d'habitude, je le cite et j'espère qu'il ne m'en voudra pas, je suis un grand admirateur de Philippe Gay-Luc, a fait un dessin absolument magnifique. Il montre un tas de vieux trucs. Vous avez là des jeux, des téléphones, une encyclopédie, des tonnes de papier, une poste de radio, un magnétophone, un micro, un album photo, une machine à écrire, un tourne-disque. Il dit, tout ça, mon pote, ils ont réussi à le caser dans un smartphone. Et c'est vrai, il doit y avoir un truc. Et c'est vrai, ce truc s'appelle le circuit et le logiciel, ça s'appelle l'informatique. Donc ça, c'est quand même, on voit l'inversion mentale, parce que si on fait ça et qu'on le met dans une même pièce, il ne va rien se passer. Alors que dans le smartphone, il passe des tas de trucs. Alors on dit souvent, le smartphone, c'est le couteau suisse. Je trouve que ce n'est pas une bonne comparaison, parce que le couteau suisse, ça c'est le couteau de l'armée suisse, celui-là, Le couteau suisse, c'est assez mauvais partout. Bon, disons, c'est moyen dans toutes ses fonctions. Alors que très franchement, le téléphone, c'est excellent partout. Ça n'a pas beaucoup de défauts, les téléphones modernes. Au point de vue musique, c'est strictement parfait. Au point de vue photo, c'est absolument hallucinant. Ah, il y a encore des défauts, il n'y a pas de téléobjectif, mais vous inquiétez pas, ça va venir, ça ne fait pas encore du 3D, vous inquiétez pas, ça va venir. Ça va faire des films 3D sans aucun problème, ça va venir. On n'a juste pas tout à fait assez de puissance, mais ça arrive. Donc c'est excellent partout. Ah ben oui, mais ce n'est pas souvent qu'on a des objets comme ça, ok ? Mais il ne faut jamais oublier que là, j'ai parlé du matériel, mais ce n'est pas le matériel qui fait le boulot. Le matériel, c'est celui qui finit par faire le boulot, mais c'est le logiciel qui décide quoi faire. Et il y a une quantité phénoménale de logiciels dans un téléphone, à peu près autant que dans une voiture. L'ordre de grandeur, c'est 100 millions de lignes de code. 100 millions de lignes de code, c'est beaucoup moins que les circuits, mais si je compte les lignes de code qui ont servi à faire les circuits, il faut en rajouter encore pas mal. Donc c'est surtout du travail humain. 100 millions de lignes de code, c'est pas... Alors vous disiez toujours que l'intelligence artificielle va programmer toute seule. Ça, j'entendais ça quand j'étais petit, ça m'impressionnait pas. Je l'entends maintenant, ça m'impressionne toujours pas. Parce qu'en dehors de micro-expérience, c'est jamais rien passé. Voilà. Alors, l'avancée continue toujours. Donc, j'ai dit, Apple, TSMC, circuit de l'iPhone à 12, j'aurais pu en prendre, je connais celui-là, mais j'aurais pu en prendre d'autres. Donc, 7 nanomètres, 9 milliards de transistors. Il y a plus de transistors dans un téléphone que dans un PC, dans un Pentium de PC. Hein. Il y a plus de transistors, parce qu'un téléphone, ça fait beaucoup plus de choses. Il y a aussi la radio, énormément de choses. J'ai dit parler des transistors d'un nanomètre, mais ça, c'est pas de 0,35 nanomètre, mais ça, c'est du labo. Et le vrai problème, c'est la consommation d'énergie. C'est ça, le vrai problème. Alors, et la chaleur. Donc, le mur de la chaleur, on a déjà parlé ici. La fréquence augmente plus. Pourquoi? Parce que la fréquence est très liée au voltage et la chaleur est dépensée, qui est dépensée par deux raisons, hein, le calcul et les fuites. Les fuites deviennent vraiment très importantes. La chaleur est proportionnelle au carré du voltage. Et donc, ce qu'on va faire, c'est baisser les voltages, et donc il faut baisser les fréquences d'horloge. Donc, en fait, dans un système on-chip, le grand jeu, c'est d'arrêter presque tout le temps. Il faut que rien ne consomme, et il faut tout arrêter. Alors, on dit, mais avant, les téléphones, ça durait 10 jours. Oui, ça faisait rien. Téléphoner, c'est le truc qui ne consomme pas d'énergie, quoi. Maintenant, ça fait... Ben oui, un navigateur Internet, ça consomme beaucoup d'énergie. Donc, il faut passer son temps à tout éteindre, à tout ralentir, à arrêter des processeurs. Vous avez, mettons, 8 microprocesseurs dans un téléphone à l'heure actuelle. Plus, ils prennent un tout petit peu de place, hein, c'est tout petit, un microprocesseur, là-dedans. Et dès qu'ils travaillent un peu trop, il faut les arrêter pour qu'ils se refroidissent. Il faut passer le boulot aux autres, ce qui, au niveau des logiciels, est compliqué. Donc, ça chauffe. La CAO est très dure à faire. Et ce qui limite, c'est l'économie, beaucoup plus que la physique. Donc, ce qui est prévu pour les usines 3 nanomètres, qui sont déjà en chantier, c'est 20 milliards de dollars chez TSMC à Taïwan et 30 milliards de dollars en Chine. Ça veut dire que plus personne ne peut se payer ça. Ça, c'est vraiment limitant. Ça, c'est le facteur limitant. Et on le voit en Europe. Alors, je suis pas sûr d'avoir les bons chiffres. Donc là, si quelqu'un me contredit, ce sera pas grave, mais ça ne doit pas être bien loin. ST Electronics n'a pas tout à fait réussi à faire le 25 nanomètres. OK. Donc, je crois qu'ils sont restés à 28. Bon, voilà, ils ont abandonné la course. Et puis, même Global Foundries, AMD, qui était un des leaders, a abandonné le 7 nanomètres pour des raisons économiques. Alors, il faut comprendre les chiffres. Il faut les élever au carré pour la surface. Donc, ça veut dire que quand on passe 25, le carré, c'est 625. 7, le carré, c'est 49. Vous voyez le facteur un peu ? Un facteur 12. 3, 7 par rapport à 25, 25, 7, c'est, oui, 49, j'ai dit, et 5, c'est 25, donc c'est deux fois mieux que 7. Et 3, c'est 9, donc c'est trois fois mieux que 5. Hein, faut pas oublier d'élever au carré. Voilà. Malheureusement, le prix des usines augmente en même temps, et il n'y a plus personne qui peut se les payer. Donc c'est ça qui va limiter. Puis ça, une autre conséquence, c'est qu'en Europe, on jouera plus. Enfin, il y a longtemps qu'on ne joue plus, sauf pour certains circuits. Hein, sauf pour certains circuits. Et c'est pourtant assez paradoxal, parce que le leader des machines de fabrication de circuits, c'est ASML. Donc, les machines qui accueillent toutes les fonderies, il y a ASML, il n'y a pas que, mais c'est vraiment le leader. ASML est une compagnie européenne, créée originellement par Philips. Un des grands leaders du design, c'est Arm. Et Arm est une compagnie anglaise. Mais il n'y a presque plus de fab. Il y a un nouveau projet européen qui vient de sortir d'un calculateur exascale. Alors exascale, je vous rappelle, c'est 1 milliard de milliards d'opérations par seconde. Donc c'est 10 puissance 18, à peu près de ce que vous voulez. C'est beaucoup. Avec quoi il sera fait, on ne sait pas. C'est encore en discussion. Ça vient de se créer. Ça peut être un arbre. Ou alors, il y a maintenant des processeurs open source. RISC-V, c'est-à-dire c'est des processeurs open source comme Linux. C'est un système open source. Ça existe ou à nouveau, on ne sait pas. Et l'idée, c'est que l'Europe a besoin de maîtriser son design. Alors, elle maîtrisera peut-être le design, mais sûrement pas la fabrication. Donc, on va dépendre de l'Asie totalement pour la fabrication. Ça, c'est acquis. On n'a juste plus les moyens. Alors, la bonne nouvelle, quand même, de la faiblesse de la loi de Moore, c'est qu'il y a la place pour d'autres approches. Et ça, c'est vraiment sympa. Donc, la 3D, qui devient maintenant industrielle, c'est-à-dire, au lieu de mettre tout sur un plan, de mettre aussi en épaisseur, la spintronique, les mêmes histoires, le graphène. Alors, attention, dans les journaux, on confond tout à fait le fait qu'un labo a réussi à faire un truc absolument merveilleux. Quand on en met quelques milliards sur une puce, c'est pas tout à fait le même problème. Hein. C'est même pas du tout le même problème. Donc, mais ça laisse la place à la recherche. Il faut pas oublier qu'au début, les transistors, c'était des objets bizarres auxquels personne croyait. Et puis, le quantique, sur lequel on raconte énormément de bêtises, et les machines neuromorphes aussi, qui existent maintenant. Alors, il n'y a pas que les circuits qui ont avancé, il y a aussi les stockages. La mémoire RAM, moi, Unix a été créée sur des machines à 32 kilo-octets. Ça, c'est plus trouvable, ça. Maintenant, on a plutôt 16 giga-octets dans un ordinateur. C'est beaucoup le facteur. Les disques, moi j'ai écrit le premier compilateur STL avec un disque de 10 mégaoctets. 10 mégaoctets, c'est plus petit qu'une photo. Donc je n'aurais pas pu mettre une photo dans mon disque. Maintenant, ben, on a, mettons, 10 téraoctets sur un disque, hein, de façon courante. Les mémoires flash, au début, elles faisaient 4 gigas, maintenant elles font 2 téraoctets, de façon commerciale à l'heure actuelle. Donc ça aussi, ça bouge énormément, on en parle moins. Les écrans, évidemment, on est passé à des écrans de bien meilleure qualité. Les imprimantes jet d'encre, qui sont des choses tout à fait subtiles, qui sont excellentes en photo maintenant, vraiment. Et les réseaux locaux aussi, qui sont passés de mégabits à gigabits, etc. Donc tout avance en même temps. Puis les grands réseaux aussi, hein, la DSL, le VDSL, qui est une version très améliorée de la DSL, qui permet, quand on est près du central, d'avoir à peu près une centaine de mégabits par seconde. La fibre, alors la fibre c'est un peu plus spécial, c'est pas clair pour moi la fibre, le sans fil, le 5G va arriver, avec des performances beaucoup plus grandes et surtout la capacité de commuter beaucoup plus vite, mais ceci dit, hors des villes, on l'a toujours dans l'os, hein. Et voilà une autre affirmation pas sérieuse, ça se voit dans tous les papiers sur le domaine, l'internet ubiquitaire, ben il faut habiter à Paris, hein. C'est faux dès qu'on habite à la campagne, si je prends mon cas. Le téléphone arrive à 512K, mais les lignes ne sont pas maintenues. Elles peuvent rester un mois en panne, deux mois en panne. Le portable ne passe pas dans le village en dessous du tout, quelle que soit la marque en question. Les fibres optiques, bah, ça sature très vite avec les télés. Quand tout le monde regarde la télé, bah, moi je vis ça à Paris. Il n'y a plus d'Internet, c'est assez simple. Les plans numériques, il y en a eu énormément. Arrêter la fracture numérique, bon, peut-être ça va sourder, ouais. Mais le problème, c'est qu'il va falloir des très gros investissements. Et tout en fibre, c'est une notion qui est très politique parce qu'elle est facile à énoncer, mais qui, pour moi, n'est pas 100% claire. Bon, bref. Alors, autre grande affirmation, l'ordinateur quantique sera infiniment plus rapide. Ça, j'ai lu plusieurs fois dans les journaux. Et calculera beaucoup plus de choses qu'on ne peut pas calculer avec des ordinateurs normaux. Alors, c'est un peu raté. Il est au mieux exponentiellement plus rapide, mais on ne connaît pas beaucoup de cas où c'est vrai. Il est assez généralement racine de n plus rapide, mais on ne connaît pas non plus tellement de cas où c'est vrai. C'est un vrai sujet de recherche magnifique. Hein. Par ailleurs, il calcule la même chose que les ordinateurs, sauf qu'il calcule l'aléatoire en plus, mais que c'est très facile de rajouter l'aléatoire à un ordinateur, donc il n'y a pas de différence de fondamentale. Ça n'empêche pas que c'est intéressant. Puis la troisième chose, c'est que ça n'existe pas, et même les gens qui en font ne sont pas du tout sûrs qu'ils arriveront à le faire exister. Il n'y a que les journalistes qui disent que ça va exister très très vite. Et le marketing, j'ai oublié le marketing. Bon, alors par contre, il y a beaucoup de choses, d'autres choses qu'on peut faire avec les calculateurs quantiques. Hein, c'est de simuler la mécanique quantique, et ça se fait déjà, ou la chimie, ça se fait déjà. Pas le même problème. Alors l'infrastructure logicielle, c'est pareil, c'est très gros. Donc vous avez les systèmes d'exploitation, j'ai marqué les plus connus là, et c'est des trucs qui sont très très gros, c'est des dizaines de millions de lignes de code. À ma connaissance, le plus gros, c'est Linux. Après, c'est Apple, après, c'est Windows, mais enfin, de toute façon, c'est beaucoup. Parce que c'est compliqué, ça fait énormément de choses. Ils sont très complexes, il y a de gros problèmes de sécurité, y compris chez Apple. J'ai entendu l'autre jour à la Commission européenne, qui a quand même dit, au moins avec Apple, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit, lisez les comptes rendus des changements de version qu'écrit Apple. boucher un trou de sécurité qui, comme les autres, pareil, normal, etc. Donc, ces choses-là sont bien. Puis il y a d'autres systèmes, il y en a plein d'autres, qui sont dans l'Internet des objets, WindRiver, que j'ai marqué, Minix, il y en a d'autres, hein, dont le système prouvé mathématiquement de Dominique Bolignano et de Prove and Run, sur lequel il y a eu un séminaire ici. Les navigateurs sont aussi des programmes très, très gros, très, très compliqués, avec beaucoup de problèmes de sécurité. Puis, en fait, ils sont cachés dans vos applications de téléphone aussi. Hein, on ne les voit pas, mais ils sont cachés. Ils ne marchent pas pareil, c'est tout. Puis, tous les langages de programmation, les outils système, etc. C'est énorme. Hein, c'est quelque chose de vraiment très gros. Et il y a une notion qui s'est dégagée, un peu comme les IP en matériel, c'est les API, les Application Programming Interface, qui vous permettent d'utiliser des choses sans savoir comment c'est fait, ou en croisant les doigts, si on veut. Alors, Internet, la taille, il faut la connaître quand même, 4 milliards d'utilisateurs, 80% des Européens, ce qui n'est pas tant que ça. Réseaux sociaux, 3,36 milliards, et les réseaux sociaux, il n'y en a pas beaucoup, hein. 3,36 milliards d'utilisateurs, 58% en France. Les portables, alors là, c'est plus que la population humaine, hein. Dans les pays développés, c'est 127,3% de la population a un portable. Donc, vous voyez, c'est des ordres de grandeur qui sont absolument colossaux, hein. C'est pas étonnant que ce soit les plus grandes industries du monde maintenant. Alors, ce qui s'est passé aussi, c'est l'interopérabilité des connexions. Vous passez sans rien casser d'ADSL à fibre à 3G, 4G, à WiMAX, etc. Ça a été un gros boulot des gens des télécoms. Et alors, il faut jamais oublier ça, parce que les gens disent oui, mais Transpac et tout. Il y a une différence fondamentale entre Internet et les réseaux de téléphone. C'est que tout le réseau de téléphone était géré par les vendeurs de téléphone, en France, France Télécom, hein, et Orange à l'heure actuelle. Alors que dans Internet, toutes les communications sont gérées par les utilisateurs. L'infrastructure ne gère rien dans les communications, elle ne gère que le routage. Ça, c'est vraiment, et la facture, évidemment. Ça, c'est vraiment très important. Il ne faut pas oublier la définition, la bonne définition des télécoms, c'est la fonction d'identité avec une facture. Le calcul dans le nuage, ça aussi, c'est quelque chose de très important. Qu'est-ce qui se passe? On a une très grande puissance de calcul fixe et de stockage fixe. On a tous nos portables qui sont limités par la batterie et qui n'ont pas la même puissance de calcul. On a des réseaux efficaces en ville. On a des algorithmes distribués qui ont fait d'énormes progrès. Rachid Gheraoui. Qu'est-ce qu'on fait? On décentre les calculs et stockages coûteux. On partage le calcul entre local et le distant selon des modalités qui changent à travers le temps mais qui sont invisibles pour l'utilisateur. Par exemple, pour l'instant, la reconnaissance de la parole se fait dans le cloud à distance, mais il y a gros à parier qu'elle se fera dans le téléphone, avec de nouveaux chips d'ailleurs pour faire ça. Donc ça se voit plus de l'utilisateur, mais c'est vraiment très important. Donc ça, c'est une notion qui est apparue dans les années 2010, je pense, et qui maintenant est totalement généralisée. Donc là-dessus, on a tout ce qu'on veut, évidemment les moteurs, les calculs scientifiques, le streaming, etc. Ça a changé tout. Par exemple, en musique et en vidéo, ben, à part le streaming, il ne va pas rester grand-chose. Hein, et le vinyle. Les applications. Alors là, il y a des changements. D'abord, des changements de vocabulaire. Avant, on était programmeur. Maintenant, on est développeur. Et vous avez des mises à jour systématiques tout le temps, avec des messages constants. Ça se termine tout. Toutes les applis terminent comme ça. Maintenant, c'est standard. C'est amélioration de l'expérience utilisateur et correction de bugs. Alors, si vous êtes informaticien, vous avez une autre façon de le lire, c'est pas encore ça. Hein, c'est une définition assez simple. Vous avez un très grand changement de style et d'interaction machine. Avant, vous aviez les ordinateurs avec le multifenêtrage. Maintenant, vous avez les smartphones, les tablettes, complètement différents, le toucher. Et là, très grande importance du travail de Jean-Marie Hulot chez Apple. Jean-Marie Hulot a fait un séminaire dans le cours de Didier Roux. Donc Jean-Marie Hulot, comme création, il a juste la machine Next, Mac OS X et l'iPhone. Donc petit débutant, ancien thésard chez Jean Vuillemin qui est ici. Et puis sur les tablettes, donc vous avez ici, j'espère que vous avez regardé la leçon inaugurale de Xavier Leroy, hein, il faut absolument programmer égale démontrer la correspondance de Curie Howard aujourd'hui. On arrive à lire vraiment bien, sur un téléphone c'est un peu dur. Et puis vous avez, vous pouvez passer en bifenêtrage, mais bon, c'est pas encore génial. Donc, ce qu'on appelle le form factor en anglais, c'est-à-dire la taille des écrans, le fait qu'on peut tenir ou pas dans la main, c'est devenu crucial. Ça n'existait pas en 2007. D'ailleurs, ça intéresse énormément les gens. Alors, on va aussi vers j'ai oublié le titre là, qui est vers l'Internet des objets. Ça, j'en reparlerai longuement la prochaine fois. Mais on va vers l'Internet des objets. J'avais présenté ce transparent en 2007. Ça va moins vite que ce que je pensais, pour des vraies bonnes raisons. Mais d'abord, parce que les gens qui font les objets, c'est des gens qui viennent de la techno classique, et que l'informatique, ils ont eu beaucoup de mal à digérer. Ça se voit dans les modes d'emploi et dans les interactions qui sont souvent, des fois, assez ridicules, mais pas toujours. Il y a des choses bien faites aussi. Mais ça dépend, quand ils sont alliés avec les bonnes personnes d'informatique, ça peut être très bien fait. Mais c'est pas la même culture, quoi. Alors, ce qui se passe maintenant, je vais terminer cette première partie là-dessus. Je reviendrai sur l'Internet des objets après. Il y a un changement très profond. Moi, j'ai pas participé, mais je peux un peu le commenter. On avait invité Yann Lequin à la chaire informatique et sciences numériques. Puis il y a surtout Stéphane Mala qui essaye de faire les maths de ça. Donc, les données sont devenues massives. Ça, c'est vrai. Et ce sont les objets qui en fournissent le plus. C'est pas les hommes, hein. Ce sont les objets. Même en médecine, les hommes en fournissent pas mal quand même, hein. L'analyse statistique, l'apprentissage profond permettent de travailler sur ces données. On appelle ça une mine d'or. C'est pas forcément faux. C'est pas encore non plus prouvé dans toutes les disciplines. Mais les apprentissages ont quand même balayé beaucoup d'autres techniques et font des progrès énormes. Là, on voit l'état de l'art en reconnaissance d'objets, hein. On reconnaît quand même beaucoup, beaucoup de choses dans une photo assez rapidement maintenant avec des réseaux profonds. Ça, c'est récent, hein, c'est 2017. Il y a des grands succès. Des autres, il y a l'analyse de vidéo qui est beaucoup travaillée dans l'équipe de Jean Ponce à Normansup, la reconnaissance de la parole qui est devenue hallucinante alors qu'avant elle était vraiment mauvaise. Les traductions automatiques multilingues, elles sont sidérantes. Alors, il y a trois sortes d'analyses prédictives. Le premier, c'est l'analyse par renforcement. La machine prédit un petit nombre de bits. On joue, puis à la fin, on sait si on a gagné ou perdu. C'est comme ça que joue AlphaGo 0, par exemple. Il n'y a même plus de fonction d'évaluation dedans. Enfin, la fonction d'évaluation, quelque part, c'est les coefficients qui se mettent à jour en fonction des jeux. Donc AlphaGo 0 a pulvérisé le programme qui battait le champion du monde est pulvérisé maintenant. Il a aussi pulvérisé aux échecs le programme qui était champion du monde des programmes d'échecs qui sont largement supérieurs aux champions du monde humains d'échecs. Avec quoi comme données ? Des règles, c'est tout. Il n'y a que les règles. Et énormément de calculs, hein, la machine d'AlphaGo, c'est 25 millions de dollars, c'est pas rien, c'est du gros. Et il faut énormément d'entraînement, c'est-à-dire qu'il faut jouer beaucoup, beaucoup de millions de parties contre soi-même pour ça. Il n'y a pas de feedback, mais ça s'applique à très, très, très, très peu de cas, parce que dans la vie courante, les endroits où on sait qu'on a gagné, où on sait qu'on a perdu, sont rares. Donc, en fait, ça s'applique au jeu. Pour moi, j'étais assez content parce que j'ai jamais trouvé la moindre raison pourquoi un humain serait bon au jeu de Go. Lui a besoin d'être intelligent, mais ben, pourquoi les algorithmes ne seraient pas meilleurs ? Nous, on ne sait même pas faire une multiplication, hein, de tête. Essayez de multiplier 8 chiffres par 8 chiffres de tête, vous allez voir. Donc, c'est quand même très intéressant et ça a surpris les gens pour de bonnes raisons. La supervision, donc là c'est l'inverse, à chaque essai on reçoit un petit nombre de bits, par exemple pour l'entraînement des images, on fait une prédiction, et il y a un chat, on dit non, mais à chaque image, on reçoit un certain nombre de bits, donc on a un peu plus de volume, et puis ça demande beaucoup d'exemples à noter, et il y a énormément de gens qui annotent à la main des exemples, de travailleurs cachés, de Facebook ou de Google, il y en a partout là en Asie. Et puis, il y a l'apprentissage auto-supervisé. C'est ça qui intéresse Yann et moi aussi. Puis les gens confondent tout ça. C'est nous. C'est les enfants, par exemple. Il y a énormément de feedback. Les enfants sont des expérimentateurs fous. Et les parents ne leur disent pas grand-chose. Hein. Faut pas croire. Hein. Je pense que les gens qui travaillent sur l'apprentissage sont à la même époque que les gens qui travaillent sur la biologie et juste après Darwin. Quoi. Il se passe vraiment des choses. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter l'informaticien Gérard Berry, sa série « Où va l'informatique ?» Aujourd'hui, l'hyperpuissance de l'informatique. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez toutes les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Gérard Berry. Ces cours sont accompagnés de riches supports visuels dont vous retrouverez les liens sur nos pages. Réalisation, Émilie Valla. Présentation, Mérine Meneghetti. Je vous souhaite une agréable journée à l'écoute de France Culture.